Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Allez, encore une petite nouvelle de Roselyne Villomé. Elle s'appelle Blanche et lui. Une jolie petite nouvelle toute simple. Elle est donc écrite par Roselyne Villomé, qui est née en 1951. C'est une actrice qualifiée de drôle, émouvante et qui ne ressemble à personne. À la retraite, elle se consacre à l'écriture de nouvelles et de récits courts. Donc, je commence. On n'entend plus les cris des oiseaux. Chacun de nous est confronté à son propre silence. Peter Diner. Eduardo, un artiste argentin qui avait consacré sa vie au piano avec une tendresse particulière pour Béla Bartók, un homme âgé, solitaire. Il s'était installé en France récemment, en plein cœur des Cévennes. Son piano bleu l'avait suivi, ainsi que Miranda, la vieille servante qui approuvait ses bizarreries et le protégeait depuis plus de 30 ans. Ils partageaient leur vieillerie dans une complicité silencieuse, sans équivoque. La villa qu'ils habitaient était coquette, isolée, en pleine verdure dans le paysage tourmenté des Cévennes. Le piano bleu servait de frontière entre le séjour et le jardin, à l'abri d'une baie vitrée. Eduardo assurait encore quelques concerts, principalement à Paris, mais passait le plus clair de son temps avec Bartók. C'était un homme grand, voûté, tout en os. Ses yeux fiévreux brillaient par moments, bien que voilés le plus souvent par une fatigue lancinante. Eduardo était heureux et pensait qu'il en allait de même pour Miranda. Cet après-midi, le soleil printanier caressait la terrasse qui s'ouvrait sur un parterre de fleurs. La douceur de l'air accompagnait les doigts d'Eduardo sur les touches et les danses populaires roumaines envahirent le séjour avant de s'échapper dans le jardin. Miranda glissait avec son balai entre les meubles de rotin, gagnée par une sorte de frénésie. Le visage de l'artiste exprimait un vague bien-être. Une mèche de cheveux blancs couvrait son front. Sa vie lui semblait belle, tellement évidente. Son regard rencontra le cerisier et se figea alors que ses mains continuaient de courir sur les touches. Qu'elle était mignonne, si légère, aérienne. Elle se croyait cachée par l'arbre, mais son œil perçant atteignit le vieil homme et le troubla. Il n'en continua pas moins à égrener les notes, miroir nostalgique de l'âme de Béla Bartók. Elle était tout à son écoute, mais disparaîtrait si la musique s'arrêtait. Eduardo ne se faisait aucune illusion sur l'efficacité de son charme. Il se consolait en pensant qu'il était un peu responsable de la magie qui coulait de ses mains. Miranda ne bougeait plus. Elle suivait la scène des yeux. Vinrent les dernières notes. L'apparition frémit, hésita, puis décida de s'éloigner d'une démarche singulièrement sautillante. Eduardo constata le vide qui s'était créé entre les branches et ressentit la présence de Miranda tout près de lui, comme une intrusion. La soirée s'étiola. Demain serait un autre jour. Ce matin-là, les vieilles joues de Miranda frémissaient de fraîcheur et comme le soleil brillait, Eduardo fumait une pipe confortablement installée sur la terrasse. Il observait la nature qui l'entourait, cherchant à deviner les mystères de l'ombre. Seules quelques feuilles frissonnaient. Viendrait-elle ? Les heures s'étiraient douces mais amères. Dans l'après-midi, Eduardo rejoignit son piano, laissant Miranda se battre avec le balai. Ses doigts suivaient les touches alors que les yeux guettaient les mouvements du jardin. La dernière danse s'acheva, pas de visiteuse. Mais si elle était là, il ne l'avait pas vue. Son apparence irréelle le toucha plus que jamais. Elle semblait s'habituer à sa présence car son regard s'adoucissait. Le silence s'installa. Eduardo ne tenta pas le moindre mouvement. Elle ne bougeait pas non plus. Petit à petit, la gêne s'estompa. La petite risqua des pas vers lui. Le temps suspendit son vol. Les paupières d'Eduardo s'étaient fermées. Quand il les rouvrit, il ne la vit plus. Elle en avait profité pour disparaître. Deuxième soirée grise. Le soleil s'obstinait à se lever. Les jours qui passaient apprivoisaient la petite. Elle ne manquait aucun rendez-vous avec Bartok et accompagnait les soirées d'Eduardo de sa présence blanche. D'ailleurs, il l'appelait Blanche, car elle gardait pour elle son secret. Il lui était reconnaissant de rester près de lui, très près parfois quand une caresse le frôlait. Volontaire ? Peut-être pas. Miranda n'existait presque plus pour lui et faisait corps avec les murs. La soirée chaleureuse ne se déroulait que pour eux deux. Les nuits d'Eduardo restaient solitaires. Enfin, alors qu'endormi, il rêvait probablement de Blanche, il devina une présence chaude contre sa nuque. Il n'était plus seul dans son lit. La malicieuse dévergondée alla jusqu'à piquer quelques poils de sa barbe, dans le but évident de le réveiller. Désirant partager son sommeil avec elle, il ne broncha pas. Les jours et les nuits qui suivirent installèrent leur relation dans une douceur enivrante. Ils cheminèrent ainsi plusieurs mois. L'ombre de Miranda veillait sur leur bonheur fragile. Blanche savait se faire désirer, s'amusait à ponctuer d'aller-retour sa présence. Lui aimait jusqu'à l'irritation qu'elle lui procurait. Un jour, le téléphone se mit à vibrer. Eduardo était attendu à Paris pour un concert. Impossible de refuser, il devait la quitter. Alors, lorsque la vieille guimbarde s'éloigna du jardin, Eduardo photographia du regard l'image de Blanche installée au pied de Miranda qui écossait des petits pois sans se préoccuper de la petite. L'ombre du cerisier flottait au-dessus d'elle. À Paris, tout est gris. Eduardo remontait la grande avenue alors qu'une foule discontinue remuait autour de lui. Ses muscles ankylosés gémissaient, sa démarche était hésitante. Au loin, la tour Eiffel lui indiquait le chemin, campé sur ses quatre pattes fantasques. Le concert avait lieu près de là. Eduardo rejoignit la salle assourdissante et les mélomanes enthousiastes. L'atmosphère était chaude, trop chaude. Il ressentit une douleur à la tête, ses doigts étaient gourds. Ce fut à son tour de jouer. Il dut affronter les danses roumaines, saluées par des ovations qui lui semblèrent hystériques. Il s'exécuta. Les notes se chevauchaient à une allure vertigineuse. L'air lui manqua. Un voile gris bloqua ses yeux. Une explosion surgit au plus profond de lui. Ce fut le noir total. Le silence. Il percevait des bruits étranges, sortes d'appels, alors qu'il planait maintenant au-dessus de sa dépouille et qu'un froid définitif l'envahissait. Cette chaude présence sur sa nuque, ce frôlement léger, des poils de sa barbe tirés, blanches. Les yeux fiévreux d'Eduardo s'entrouvrirent, mus par l'émotion. Ce qu'il découvrit le stupéfia. Il était allongé sur un lit d'hôpital, les bras raidis, retenus par des fils d'où s'écoulait un liquide. Il ne pouvait pas bouger. L'un des fils s'était échappé de son socle et gisait dans son cou, perdant son jus amer. D'où cette sensation merveilleuse de douceur duveteuse. L'aiguille devait frôler sa barbe et le piquer. La pièce baignait dans le blanc. Une femme en blouse blanche se penchait sur lui. Toute cette blancheur lui arracha un sourire. Assise dans un coin de la chambre, Miranda somnolait, les bras repliés sur ses seins encombrants. Le jour fuyait par la fenêtre. Eduardo s'évada dans un sommeil réparateur. Le temps s'écoulait doucement. Eduardo tenta quelques pas dans un parc fleuri. Il s'appuyait sur Miranda et savourait le silence qu'elle lui offrait. Les feuilles s'agitaient autour de lui en s'échappant des arbres. Chatouillant sa nuque comme pour le provoquer, l'incitait à reprendre goût à la vie. Le bout du chemin conduirait peut-être à son jardin, à la terrasse et au piano bleu, peut-être aussi. Il revint chez lui. Ses os saillaient encore davantage. Le piano bleu restait quoi ? Miranda époussetait les meubles en fredonnant. Un beau jour pourtant, Eduardo rejoignit la terrasse d'un pas hésitant. Le printemps était au rendez-vous avec son cortège de fleurs. Les fleurs. Seulement, toute retrouvaille exigeant des prémices, il lui restait un dernier effort à tenter avec la complicité du piano et de Bartok. Ses doigts las firent jaillir les notes. Et le miracle se produisit. Dans un froissement d'ailes, Blanche s'échappa du cerisier, se posa sur l'épaule d'Eduardo et picota de son bec ému la barbe clairsemée. Devant la porte de la cuisine, Miranda souriait. Toute courte cette belle petite histoire, toute courte, d'une amitié entre un oiseau blanc, un musicien, je ne sais pas. Alors, on va laisser cette petite heure avec les danses roumaines pour piano, bien sûr. Bartok, à bientôt sur Radio Gemozo.